chaîne de l'esprit. J-A-E-Y-Z, brise les chaînes. Coupable depuis le cordon, un futus menotté, enchaîné en mon destin, rayé sur la corde. Meurtri, ils veulent tordre mes rides, j'ai plus aucun mérite. Dans mes yeux tu peux voir mes cicatrices. L'état m'a coupé ma force, m'a usé la vie. Esclave moderne, je traîne les chaînes de mon esprit. Ils veulent nous dicter leur façon de vivre, c'est pire. Je suis trop tard que la liberté s'est planquée dans un livre. Ces nazes peuvent toujours m'attacher en GAV, différer les pilules jusqu'au parquet. Toujours libre, je continuerai à rêver. C'est ma liberté de penser ou l'euthanasie, négro. Dehors les prisons sont virtuelles, l'esprit en otage. Traîne mes chaînes, clé aux mains, m'ont raflé dans la cave. Combien s'accroche à la vie, ont touché le fond depuis le début. Un moyen soudé à ma tribu. Briser les chaînes, c'est pour le respect de nos ancêtres. Un homme libre comme histoire nous l'enseigne. C'est un son pour un sombre héritage. Une sombre histoire nous rassemble, garde le sang sur nos pas. Briser les chaînes, c'est pour le respect de nos ancêtres. Un homme libre tout comme l'histoire nous l'enseigne. C'est un son pour un sombre héritage. L'esprit accroché à nos drames, regarde le sang sur nos chaînes. Feuille un douze, une putain de plume usée par les drames. C'est dans la misère que se trouve notre triste héritage. L'esprit accroché à nos chaînes, main. L'histoire de l'homme, une mise en scène liant le sang aux larmes. Depuis le macadam, traîne un boulet macabre. Hey, quête, l'état nous accable. Indigène je suis, je reste le même fier. Mes origines, mes gènes, ma chaîne. Infiniment mon ADN est classé malsaine en terre païenne. Laisse toujours un regard vers l'est, philosophiquement arabe. J'oublie les strophes de Verlaine. Les chaînes de la foi m'élèvent jusqu'à en oublier l'échec. J'ai ma propre loi, ma vérité au bout des lèvres. Vise l'éclat de la révolution à sonner. Les putains de chaînes brisées en éclats à force de lutter. L'ennemi en déclin, formant les chaînes de l'espoir, frère. Formant les chaînes de l'espoir, frère. Briser les chaînes, c'est pour le respect de nos ancêtres. Un homme libre comme l'histoire nous l'enseigne. C'est un son pour un sombre héritage. Une sombre histoire nous rassemble, garde le sang sur nos pas. Briser les chaînes, c'est pour le respect de nos ancêtres. Un homme libre tout comme l'histoire nous l'enseigne. C'est un son pour un sombre héritage. L'esprit accroché à nos drames, regarde le sang sur nos chaînes. Briser les chaînes, j'arrive chargé de trop de haine. Faut se défaire de ce qui gêne, rompre l'anathème. Ni chaîne en tête, ni chaîne en pied comme un aigle marron. Jadis tous des kings ou des pharaons. Agis en pensant, t'as vu ça devient menaçant. Ou à l'instinct, combien d'intellects portent un carcan. La vérité est cachée, même pas sous-titrée. Comment font les pauvres et les illettrés face aux pseudo-moralistes hypocrites sous tout trait. Et dis gobe pas tout et tout doux, je m'en doutais. Tu fautes par ton discernement. Tu te conduis comme un mauvais garnement. T'es qu'un fucking bombe pour clap si tu ne te libères pas. Là tu desserres Babylone et tu ne le vois pas. Ghetto youth, pas évident à admettre quand on vit dedans. Trop d'actions commises sont vides de sens. Briser les chaînes, c'est pour le respect de nos ancêtres. Un homme libre comme l'histoire nous l'enseigne. C'est un son pour un sombre héritage. Une sombre histoire nous rassemble, garde le sang sur nos pas. Briser les chaînes, c'est pour le respect de nos ancêtres. Un homme libre tout comme l'histoire nous l'enseigne. C'est un son pour un sombre héritage. L'esprit accroché à nos drames, regarde le sang sur nos chaînes. 400 yens, die. Briser les chaînes, briser les chaînes.